Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Nous sommes en 2020, le 6 février. Comme à tous les 4 ans, à la fin du mois, nous ajouterons une journée supplémentaire entre le 28 février et le 1er mars, parce que l'année 2020 est une année bissextile. Pourquoi 2020 est-il une année bissextile alors que l'année 1900 ne l'était pas? Le calendrier le plus utilisé dans le monde est le calendrier grégorien, mais auparavant, il y avait le calendrier julien. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Mais d'abord, pourquoi l'humain a-t-il senti le besoin d'avoir un calendrier? Ce sont des questions auxquelles va répondre Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors, pour mieux comprendre notre calendrier actuel, Jean-René, si on se reportait loin dans le temps à l'époque des Romains? Le calendrier des Romains, qu'on a appelé le calendrier julien, établi par Jules César, est en fait quand même la base de ce qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est un calendrier solaire. Le calendrier, c'est une fabrication de l'humain, c'est totalement arbitraire. On y reviendra, les astronomes comme tels n'utilisent pas d'années, n'utilisent pas de semaines. Utilise le jour julien. On y revient plus tard. Oui. Donc, le calendrier, en fait, a été créé pour marquer le temps, évidemment, la période la plus importante, qui est aussi fondamentale en astronomie, c'est la période que la Terre met pour tourner autour du Soleil, pour revenir à un même point sur son orbite. Et parce qu'il y a le phénomène des saisons, c'est aussi une façon de marquer et d'avoir dans l'année des dates récurrentes pour les saisons. C'est-à-dire que le maximum d'ensoleillement dans l'hémisphère nord aura lieu au solstice d'été, donc autour du 20-21 juin. On va compter, on va établir l'année pour que tous les 21 juin, on ait le maximum d'ensoleillement, c'est-à-dire qu'on observe le soleil au méridien à son altitude la plus grande dans l'hémisphère nord, la plus basse dans l'hémisphère sud. Donc, la raison fondamentale de marquer l'année, à part de toutes sortes d'autres raisons que les humains aiment bien avoir, comme marquer son anniversaire de naissance, payer ses impôts pour l'État, pour recueillir ses impôts, l'année est intéressante et on utilise la base des saisons qui est finalement définie par le temps que la Terre prend pour faire un tour complet du Soleil. Donc, si la Terre, il y a une orbite à peu près elliptique, mais ce n'est pas ça qui détermine les saisons. Mais le moment pour revenir, si on mettait un piquet, entre guillemets, sur l'orbite, pour dire, bon, quand on va revenir à ce point, à ce piquet de l'orbite, c'est une année qui a passé. Maintenant, l'autre... Donc, c'est un repère temporel, finalement, qu'on cherche, finalement. Absolument, ça, pour marquer le temps. Et différent, en fait, on pourrait dire une série de repères temporels qu'on veut qui se produisent toujours à peu près à la même date chaque année. Puis c'est déterminé par des raisons civiles. Donc, l'année. L'autre aspect fondamental qui nous est utile, c'est la période de rotation de la Terre sur elle-même. Oui, effectivement. Qui détermine le jour et la nuit. Tout à fait. Donc, il y a deux façons de mesurer cette période de rotation. Le temps que la Terre prend pour faire un tour sur elle-même. Donc, c'est 23h56 minutes. Ça, c'est 4 pour secondes, revenir exactement avec une étoile au méridien. Mais nous, ça ne nous intéresse pas tellement comme humains qui travaillons. On prend le temps que prend le soleil à revenir en apparence au méridien. Uh-huh. C'est le jour solaire. Uh-huh. Donc, c'est 24 heures. Oui. Mais parce qu'en fait, un jour, c'est plus qu'une rotation de la Terre. C'est une rotation et plus un degré un à peu près. Un petit peu plus. Il faut revenir parce qu'on tourne en même temps autour du soleil. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a aucune corrélation précise entre le nombre de tours de la Terre sur elle-même et un tour complet de la Terre autour du Soleil. En fait, ça prend 365 jours. Et donc, si moi-même, je ne m'en rappelle pas vraiment. Donc, 365 jours, 5 heures, 48 minutes et quelque chose. Okay. Donc, Et en fait, donc, c'est pas un nombre juste. C'est là. Pas un nombre entier. Il n'y a pas un nombre entier de tours de Terre dans un tour complet autour du Soleil. Exactement. Donc, nous, par exemple, on compte l'année régulière à 365 jours. Donc, quand on a fait 365 jours, si on regarde où on a mis le fameux piquet de référence, uh-huh. il y a encore 6 heures à peu près à voyager peu, là, avant de s'y rendre. Donc, on est 6 heures en retard une première année. La deuxième année, si on a toujours 365 jours, on est 12 heures en retard. La troisième année, on est 18 heures en retard. La quatrième année, on est 24 heures en retard par rapport à notre piquet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on rattrape, on ajoute une journée. Okay. C'est ce qu'on fait cette année en 2020, comme on fait à peu près tous les 4 ans. Et ça, cette technique avait été mise bien au point par les Romains et Jules César l'avait systématisée. Sauf qu'il y avait quelques problèmes. C'est que c'était une décision de l'empereur, après Jules César, on est dans le système impérial. Et là, il y avait... Les empereurs se succédaient à une cadence absolument phénoménale parce qu'on s'assassinait à tour de rôle. Et souvent, on ne faisait pas l'année. Ou on en faisait une. Donc, c'était complètement chaotique. Et cela jusqu'à l'époque du 16e siècle, période à laquelle on va revenir. Donc, mais ceci nous amène... à la signification bisextile. Oui. Donc, effectivement. Donc, vous voyez le mot bis, oui. qui est deux fois, sextile, oui. qui est sextus en latin, six. Oui. Alors, deux fois six. Donc, pourquoi ce nom-là? Oui. C'est parce que les Romains avaient cette année bisextile et ils l'ajoutaient le sixième jour avant le premier mars, qu'on appelait les calendes de mars, uh-huh. donc le premier jour de mars, qui était, chez les Romains, le début de la nouvelle année. Ah bon? Donc, ce qu'on faisait, c'est que le sixième jour avant, c'était le 24 février. Donc, on avait, disons, c'était dimanche le 24 février, et au lieu que nous, on ajoute un 29, eux faisaient le 24, et ils répétaient le dimanche. Ah. Donc, il y avait deux fois 24, dimanche, et le lendemain, vous leviez, vous aviez encore le 24 sur le calendrier et dimanche. OK, c'était deux fois la même c'était journée à part ça. Deux fois. Donc, le c'était pas dimanche, lundi, jour c'était avant dimanche. Okay. La calende de mars, qui était le 1er mars, début du nouvel an. Donc, c'est ça. Donc, cette idée et cette connaissance de l'incommensurabilité du nombre de jours ou de tours de Terre autour du Soleil et du nombre était connu depuis longtemps et on avait ce genre d'approche. Mais il y avait des dérives de sorte que à l'époque où le calendrier a été réformé, ça a pris certain temps, donc c'est le pape Grégoire XIII qui va introduire une réforme et une implémentation du nouveau calendrier en octobre 1582. Okay, ça fait déjà... Donc c'est assez récent ça pour nous. Donc, et ça s'est fait après de longues discussions. Comment avoir une méthode d'avoir un jour intercalaire comme ça pour que ça soit stable sur une très longue période? Donc, il a consulté des astronomes. D'ailleurs, il a commencé, ça avait commencé avec d'autres papes avant Grégoire, uh-huh. qui ont consulté entre autres Nicolas Copernic. Ah oui. Qui est le père de l'héliocentrisme, mais ça s'est fini, ça a terminé à la fin du 16e siècle avec Grégoire XIII, qui a consulté entre autres un grand astronome jésuite qui est Christopher Clavius. Et on est arrivé avec une belle formule, en fait, qui est assez élégante, même si elle est compliquée, et on va en parler, oui. Qui finalement devrait nous tenir à peu près nos saisons, c'est-à-dire l'été au 21 juin, le solstice d'hiver à peu près 20-21 décembre, pendant à peu près 13 000 ans. Okay. Donc, c'est ça. Et puis, on le fait justement en ajoutant des jours à certains moments, l'année bisextile, tous les 4 ans, uh-huh. mais aussi de temps en temps, en en mettant pas. Et c'est quoi la règle, en fait? Donc, on va avoir année bisextile toutes les années dont le nombre est divisible par 4. Comme 2020, par exemple. Comme 2020. 2024, exactement. Comme 2028, etc. Et on va faire une première exception, c'est-à-dire ne seront pas des années bissextiles, les années centenaires. OK, comme 1900. 1900. Mais 2000 est centenaire aussi. Mais les années centenaires divisibles par 400... Elles vont avoir une année bissextile. Celles-là seront bissextiles. Donc 2100 ne sera pas bissextile. Et cette règle de jouer avec les années divisibles par quatre années bissextiles, les années centenaires ne seront pas bissextiles, donc 365 jours, uh-huh. Et les années divisibles par 400, donc ces centenaires spéciales, uh-huh. vont être, elles, bissextiles. Donc, c'est la formule qui fait qu'on a ce fameux jeu de calendrier. Mais comme, Jean-René, cette formule-là n'a pas été appliquée dès le départ, je veux dire, il y a dû y avoir un certain retard, à un moment donné, d'accumuler là, dans l'histoire. Mais vu que les civilisations opéraient un peu différemment, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une relation entre le calendrier utilisé et la religion ou la politique. Oui. Donc, Grégoire XIII étant un pape de la Rome catholique, tous les pays catholiques ont adopté le calendrier grégorien tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Ça a été par une bulle déclarée que le 4 octobre 1582 devenait, de fait même, le 15 octobre 1582. Oh, OK. Donc, on sautait une dizaine de jours. On sautait quand même un bon nombre de jours, à peu près une douzaine de jours. Et ce qui a créé tout un émoi et même des révoltes, parce qu'il y avait des propriétaires qui chargeaient un loyer entier, tout ça, comme ça, comme vous pouvez imaginer. Et on suivit plus tard des pays protestants. Oui. Et les derniers à embarquer, ce sont les pays orthodoxes. Entre autres, la Grèce, en 1923, a adopté le calendrier julien. Vous avez dit 1923? 1923, oui. D'ailleurs, on parle de la révolution d'octobre en Russie, mais dans le calendrier, c'est dans le calendrier ancien, julien. Ah bon? Mais dans le calendrier grégorien, il faut sauter, on est pratiquement 11 jours en avance, la révolution dans le calendrier actuel grégorien, la dite révolution d'octobre, eut lieu en novembre. OK. Donc, il y a tous ces trucs. Et là, vous pouvez imaginer le casse-tête des historiens. Ben oui. À reconstruire les histoires, les dates, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent aider les gens à replacer, à retaper les bons chiffres et à remettre tout en fonction de notre propre calendrier grégorien utilisé depuis le 16e siècle. Je lisais dans ce livre ici, sur une biographie de Jean-Sébastien Bach, que le calendrier grégorien a été adopté en Allemagne en 1701. Oui. Alors, si ça avait été adopté 15 ou 16 ans auparavant, mais Jean-Sébastien Bach serait né un 31 mars 1685, plutôt que le 21 mars. Mais il serait né le même jour, sauf que l'étiquette de son anniversaire aurait changé. Pas la même. Donc, c'est un bel exemple des pays protestants qui vont adopter le calendrier grégorien beaucoup plus tard que les pays catholiques. Et aujourd'hui, en fait, à peu près tout le monde, en fait, utilise ce calendrier grégorien. C'est une norme internationale, quelle que soit la religion. Donc, il y a d'autres calendriers et souvent, on donne des références aux deux types de calendriers qui sont utilisés. Les calendriers sont utilisés pour des fins dites religieuses. Mais Jean-René, on dit que le calendrier grégorien n'a pas d'année zéro. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, ça, c'est une erreur de celui qui a créé l'ère chrétienne. Donc, ça, c'est une autre affaire, le compter calendrier, mais à un moment donné, les gens ont décidé, on commence en quelque part. Oui. Et c'est autour de 600 après Jésus-Christ qu'un moine qui était un astronome assez féru, a décidé de dire, bon, on va établir une année de départ pour le calendrier. À l'époque, c'était encore le calendrier julien. Okay. Et donc au 6e siècle après Jésus-Christ, et il a fait une sacrée erreur, ou un oubli colossal. Ouais. Il a utilisé l'année de départ comme l'année de naissance présumée de Jésus-Christ. OK. OK. Donc, on sait qu'historiquement, là, si Jésus-Christ a bien existé, qu'il n'est pas né l'an 1, comme Dionysius Exiguus. Donc, mais ce faisant, il a oublié de mettre un zéro. Ben oui, grosse erreur. Donc, c'est pour ça que ce débat, est-ce que la décennie finit en 2019 ou en 2020? La décennie finit en 2020. Je comprends. Est-ce qu'on a inclus le zéro à la fin ou au début? Ben oui. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, c'est un truc bizarre parce que si vous regardez, le zéro vient toujours un peu comme un incongru. Si vous regardez sur votre clavier, vous commencez à gauche, en haut, la rangée de chiffres sur votre clavier d'ordinateur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'est vrai. Vous regardez sur le clavier de votre téléphone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le zéro est en bas. Est à la fin, en fait. Est à la fin. Donc, c'est comme ça. Si on ne savait pas quoi faire avec le zéro. C'est vrai. Donc, en gros, historiquement, c'est très important pour les historiens ou les archéologues ou qui travaillent à reconstruire les choses selon notre propre calendrier grégorien. On passe de l'an plus 1 à l'an moins 1. OK. C'est ça. Donc, il n'y a pas de zéro. C'est ça. Ouais. Alors que il faut un zéro. On commence par compter notre anniversaire, par exemple. On compte notre date de naissance. Quand on est, en tout cas dans notre tradition, on n'a pas un an. On a zéro. C'est ça. Année. Et on a un an à la fin de cette année-là. Donc, mais on vit avec ce système-là. C'est totalement arbitraire. On sait comment le gérer. Mais ça illustre aussi probablement un peu la difficulté que les gens avaient avec le concept de zéro, qu'on comprenait mal et qui est maintenant mieux saisi, mieux utilisé. Il y a les Mayas, c'est intéressant, eux comprenaient le zéro. Ah bon, OK. Et d'ailleurs, eux autres avaient un calendrier maya, assez complexe d'ailleurs, qui faisait rentrer une longue période en plus de l'année solaire, qui était celle de Vénus. Et le premier jour du mois chez les Mayas, c'est le jour zéro. OK. Donc, nous aussi, on n'a pas de... Le mois commence avec jour 1. On pourrait commencer par le jour zéro, il n'y aurait aucun problème, mais ce serait arithmétiquement plus aisé. D'ailleurs, tout ce jeu de mois et de semaines est complètement arbitraire. On n'en a pas besoin. Tout à fait, oui. Donc, ce sont des repères. En fait. Ce sont des repères. La semaine de 7 jours, en fait, est un rythme de vie qui semble avoir été adopté il y a très longtemps en Mésopotamie et inspiré par, finalement, la longueur de la semaine, par le cycle lunaire. Le temps à peu près de la nouvelle lune au premier quartier, c'est à peu près 7 jours. Premier quartier à la pleine lune, à peu près 7 jours. Pleine lune au dernier quartier, 7 jours. Donc, ce bloc-là. Et la lune est facilement visible dans le ciel. Donc, on n'avait pas besoin de compter, de surveiller la hauteur du soleil dans le ciel pour savoir, hey, ça fait une semaine qui est passée ou ça fait 7 jours. Donc, l'introduction de la semaine et l'introduction du mois sont des unités arbitraires et on a utilisé la lune qui elle-même est un autre patente qui complique les calculs. Oui, c'est vrai. Mais il y a des calendriers qui utilisent la lune. On connaît le calendrier hébraïque et le calendrier musulman. Ils sont basés sur la lune. Ils font des mois de 13 mois de 29 jours, donc une année de 355 jours. Et d'ailleurs, on dirait que le calendrier a été structuré de façon aussi à ce que les changements de saison se fassent au 21, comme 21 mars, 21 septembre. Totalement arbitraire. C'est totalement arbitraire. Totalement arbitraire. D'ailleurs on aurait pu définir autrement. Et d'ailleurs, en astronomie, nous, il y a un système de référence où on utilise le moment où le soleil passe dans l'hémisphère céleste, de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Donc, c'est le moment du printemps. On appelle ça le point vernal. Okay. Et ça, sur nos coordonnées célestes, c'est le point zéro. Okay. Donc ça, on aurait pu dire l'année commence au lieu de commencer le 21 mars, on pourrait dire au point vernal, quand le soleil passe, l'équinoxe de printemps, quand le soleil passe d'hémisphère sud à l'hémisphère nord, c'est le début de l'année. On aurait pu décider ça complètement. Oui, puis aussi, je m'aperçois que dans le calendrier actuel, il y a 7 mois de 31 jours, il y a 4 mois de 30 jours, puis un mois de 28 jours, alors que dans le fond, ça aurait été plus simple s'il y avait eu 7 mois de 30 jours, puis 5 mois de 31 jours. Ouais, proposer un changement, vous allez voir, maintes oppositions. C'est totalement arbitraire. Ça oui, pourrait être complètement changé. D'ailleurs, ce qui m'amène à la notion de jour julien. Oui, et qu'est-ce que c'est ce genre? Le jour julien, c'est une base temporelle que les astronomes utilisent. Il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois et il n'y a pas d'année. Donc, ce qu'on a fait... C'est une séquence de jours? C'est une séquence de jours, absolument, de jours solaires. Et ce qu'on a fait, c'est pour dater mieux les événements anciens, comme les anciennes éclipses, les étoiles nouvelles, des novas que les anciens ont observées. Donc, essayer de comment de mieux les retracer sur un calendrier complètement uniforme. Une dimension. Une dimension. Donc, on est remonté au plus ancien moment des plus vieilles données enregistrées, c'est en Mésopotamie. Et on a dit, bon, on va établir... Le point zéro. Le point zéro, exactement, qui correspond... Ouais, à quoi? Au 1er janvier de l'an 4713 avant Jésus-Christ. Oh là là, OK. Donc, ça fait à peu près, il y a 6725 ans. OK. Donc, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement de données, d'archives, entre guillemets, quelles qu'elles soient, qui sont plus anciennes. Donc, pour les astronomes, c'est le jour zéro, ce 1er janvier de l'an moins 4713. Et aujourd'hui, le jour julien, j'ai regardé, il est le jour. Oui. Donc, prenez note, 2,458,886. OK. Et les astronomes ne se badent pas avec des heures puis des minutes. Donc, c'est le jour uniquement, l'unité de base, avec des décimales. On va jusqu'à un millionième de jour. Puis on peut aller à beaucoup plus précis comme tel. Et on va enregistrer la plupart des événements astronomiques, comme des flashs de rayons gamma, des flashs de rayons, dans ce calendrier, entre guillemets, qui est un calendrier tout simple, qui utilise le jour julien avec une date de départ qui correspond au 1er janvier de l'an moins 4713. Et à quel fuseau horaire, Jean-René? C'est... fuseau horaire qui est un fuseau horaire de Greenwich. Ah bon, OK. Donc, qui est l'heure universelle comme telle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est plus subtil parce que vu que nos horloges sont affectées par le champ de gravitation, ben oui, selon la relativité générale, on va avoir finalement cette horloge, là on rentre dans un sujet plus compliqué, comme si elle était dans le barycentre du système solaire. C'est-à-dire le point qui est à peu près à l'intérieur du Soleil, autour duquel tourne le Soleil lui-même et toutes les planètes du système solaire. C'est le point, en quelque sorte, de gravité, en quelque sorte, zéro dans le système solaire. Donc, c'est par calcul qu'on fait cette référence-là, parce que nos horloges sont affectées par le champ de gravitation. Donc, vous pouvez voir la sophistication et à quel point les astronomes essaie de se détacher de ces affreux jours, semaines, mois et même années. Tout à fait. Donc, pour un astronome, vous pourriez lui demander quel est son âge en jour julien. Oui. Donc, moi-même, je pourrais le calculer rapidement, mais je ne peux pas vous le dire de façon spontanée. Et le jour julien peut être aussi négatif, là. Le jour julien pourrait être négatif, sauf que on n'a pas de raison... Ouais. Et on n'a pas de moyen d'enregistrer des événements astronomiques qui prédatent l'an moins 4713. D'accord. Donc, c'est techniquement, ça pourrait être négatif, en effet. Et on a bien mis un zéro, un jour zéro. Oui. Merci infiniment, Jean-René Roy, pour nous avoir expliqué l'origine de l'année bissextile. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Merci, Jean-René. Je vous remercie beaucoup.